J'avais pourtant tout misé sur le prix, à payer les factures, le téléphone. J'ai payé un lourd tribut toute ma vie. Y'a plus rien à tirer, non. Y'a plus rien à tirer de cette misérable vie. Le croque-mort croque ma vie à pleine. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, un brin, un rien de folie passagère qui m'a catapulté dans les airs pour une merveilleuse envolée solitaire. Terre brûlée sur papier glacé, j'en avais marre. Et Lucky Luke s'allume une dernière cigarette. Cigarette, le croque-mort croque ma vie à pleine dents. Le croque-mort croque ma vie à pleine dents. Le croque-mort croque ma vie à pleine dents. Le croque-mort croque ma vie à pleine dents. Et si tu pars, n'oublie pas, le temps s'efface après toi. Dans ma tête, j'ai senti jaillir des messages nerveux, des signaux psychotiques, tic tic. Et je ne sens plus ma gorge, toc toc. Et je tape à la porte du paradis, parade les âmes arrivistes de sentiments dont on pourrait se passer. Je suis finalement très très égoïste et je passe de la mort à l'amour. Mais l'amour ça ne dure jamais, même au paradis. Croque-moi.